soleil d'aujourd'hui déjà se dissipe dans les ténèbres d'une autre attente. Elle ne gît plus à mes côtés ni ne me livre le printemps tant désiré. Ni à mes côtés ne s'éveillait-elle dans chaque rêve après la certitude la plus amère. Les courants acharnés nous séparent de nos livres cosmopolites. Le long de cette voûte céleste, parmi les étoiles que le ciel a préférées, nos regards se sont égarés jour après jour. D'aujourd'hui déjà se dissipe dans les ténèbres d'une autre attente. Elle ne joue plus à mes côtés ni ne me livre le printemps tant désiré. Le long de cette voûte céleste, parmi les étoiles que le ciel a préférées, nos regards se sont égarés jour après jour. Sorcière qui me piège, tandis qu'elle détricote des flanelles de...